Comment mourut Dimitri Tcherkov ? Une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Le chef de gare prenait l'apéritif avec le maréchal des logis de gendarmerie au café des voyageurs quand ils virent passer M. Pinson. Nul ne savait dans la petite ville qu'il était inspecteur de la sûreté, mais tout le monde le connaissait, car il venait régulièrement, pour ainsi dire, tous les dimanches, rendant visite à sa mère, très âgée et depuis longtemps retirée à Mainville. On n'ignorait pas que ses occupations le retenaient à Paris, mais c'était tout. Tout le monde le connaissait et l'estimait, car il n'était pas fier, avait la poignée de main facile et ne refusait jamais d'accepter une consommation ou d'en offrir une. Il ne se fit donc pas prier pour s'asseoir à la table du chef de gare qui l'y invitait, et pour s'enquérir aussi du bon état de santé du maréchal des logis Plantôt et de sa dame. « Eh bien, monsieur Pinson, fit le chef de gare, en v'là une affaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Quoi donc ? Répondit le nouvel arrivant. « Quoi donc ? D'où donc sortez-vous ? Mais j'arrive à l'instant de Paris. « Ah, faites excuse alors. Je voulais parler de l'accident de cette nuit. Vous avez eu un accident sur la ligne, et un fameux. Un voyageur à demi décapité. Allons donc. Comme je vous le dis, pas vrai, chef ? Plantôt opina de la tête. « Même, ajouta-t-il, que je sors de la gare pour les constatations d'usage. « Mais comment cela s'est-il produit ? Interrogea Pinson. Comment sait-on exactement ? Oh, allez, monsieur Pinson, ne vous cassez pas la tête là-dessus. Je sais bien que vous aimez à vous amuser aux découvertes criminelles. Vous avez la cervelle bourrée des aventures policières des Sherlock Holmes et autres détectives anglais ou américains dont les journaux sont pleins aujourd'hui. Mais cette fois-ci, vous en serez pour vos frais. Il n'y a pas eu crime, mais accident, tout terrible qu'il soit. Enfin, voilà la chose. Vous savez que l'express de 7 heures du soir de Paris arrive à Mainville à 8h30. Oui, je l'ai souvent pris. Bon. Eh bien, comme il allait entrer en gare, je me trouvais sur le quai avec plusieurs employés, quand nous distinguâmes de loin un voyageur dont le corps était penché hors de la portière et qui cherchait, nous le croyons du moins, à l'ouvrir. On lui cria d'attendre l'arrêt complet du train, mais rien n'y fit. Il y demeura toujours dans la même position et ne bougea pas davantage quand le convoi fut en gare. Il faisait très noir, mais en m'approchant de lui avec ma lanterne et accompagné de 2 employés, nous nous aperçûmes que la portière était pleine de sang, coulant d'une horrible blessure que le voyageur avait au cou. On lui porta secours aussitôt, et un docteur qui se trouvait parmi les voyageurs de l'express accourut spontanément offrir ses soins. Il déclara qu'il n'y avait rien à faire, le malheureux était mort, mais il déclara toutefois aussi que cette mort ne remontait qu'à quelques instants. « Comme je vous l'ai dit, continua le chef de gare, la tête, les bras et l'avant-corps de la victime se trouvaient entièrement pendants en dehors de la portière. Nous transportâmes de suite le mort dans une des salles d'attente où le corps fut déposé sur une civière. Le voyageur portait une affreuse plaie au cou presque détachée du tronc et l'oreille, du même côté de la tête, était quasiment arrachée. « Mais sait-on exactement la nature de l'accident ? Interrompit Pinson, intrigué, et l'endroit où il eut lieu ? La nature de l'accident, bien sûr. Le voyageur a dû mettre la tête hors de la portière, comme beaucoup ont malheureusement la mauvaise habitude de le faire, et au passage du pont d'Orfrin, qui croise la ligne, il aura été, pour ainsi dire, décapité par la pile du pont. « Et qui vous fait croire cela ? » demanda de nouveau Pinson. « Ah, il n'y a pas à s'y tromper, monsieur, » interrompit le maréchal des logis Plantôt. « Moi et mon brigadier, nous nous sommes rendus dès ce matin au pont d'Orfrin. Les éclaboussures de sang sur la maçonnerie y sont bien visibles. Je suis là pour corroborer le dire de notre ami le chef de gare. Et sait-on le nom de la victime ? Fit Pinson. Mon Dieu, non. C'était un étranger, un russe, probablement, car on n'a trouvé sur lui que des papiers dans cette langue et qui ne nous ont pas permis de l'identifier. Il n'avait aucun bagage et ses papiers sont à la gendarmerie. Quant au corps, il est toujours déposé dans une des salles d'attente en attendant l'arrivée des autorités. La tête à demi décapitée a dû porter contre une des piles de maçonnerie du pont d'Orfrin, murmurant Pinson en se parlant à lui-même. Une oreille presque arrachée, bizarre. Puis, tout haut, il ajouta : Et savez-vous la raison qui a fait que ce voyageur se soit penché outre mesure en dehors de la portière ? Car il faut rudement tendre le cou pour pouvoir atteindre la maçonnerie d'un pont croisant une ligne. Oh, ce n'est qu'un simple détail. D'abord, étant russe, et s'il n'en est pas un ? Mais enfin, en admettant qu'il soit russe, il doit être habitué aux voies ferrées de Sibérie où ces ponts de croisement sont rares. « Et si ce russe, puisque vous voulez qu'il le soit, n'a jamais voyagé en Sibérie ?»« Ah, écoutez, monsieur Pinson, vous m'en demandez trop. »« Voulez-vous m'autoriser à voir le corps ?»« Oh, si vous voulez, et si notre marchand n'y voit pas d'inconvénient ?»« Nullement, » fit Plantôt. « Eh bien, vous le trouverez déposé dans la salle d'attente des premières. Mais je ne vous accompagne pas. La vue d'hier m'a suffi. Je parie que vous allez poursuivre les brisés de Sherlock Holmes. » Pinson sourit sans répondre, serra la main du chef de gare et du maréchal des logis de gendarmerie en prenant congé d'eux et se dirigea vers la station. Il examina soigneusement les blessures du mort, puis demanda au chef de gare qui revenait l'autorisation de se rendre en suivant la voie jusqu'au pont d'Orfrin, autorisation qui lui fut aussitôt accordée. « Tenez, attendez donc un instant. Un train de marchandises va passer tout à l'heure qui vous y mènera. Cela vous évitera toujours 5 kilomètres de marche. » Pinson arriva enfin au pont d'Orfrin, et descendant du train de marchandises qui avait ralenti suivant les ordres donnés, il se mit aussitôt à poursuivre ses recherches. Il remarqua tout d'abord que le sang avait giclé sur la paroi extérieure du pont et que les traces sanglantes se poursuivaient ensuite le long de toute la voûte intérieure. Ceci ne manqua pas de l'intriguer, car il était impossible que le sang fût venu à couler à l'endroit exact où le choc s'était produit, l'express marchant alors à une vitesse de plus de 80 km à l'heure. « C'est bien ce que je pensais, se dit-il. Il a été frappé avant d'arriver au pont. Bizarre, bien bizarre. » Tout en examinant la ligne sur une longueur de quelques mètres en avant du pont, il s'aperçut qu'un crochet de fer se trouvait solidement fixé à l'extrémité de l'une des traverses de bois placées sous les rails. Un trou avait été creusé en terre pour fixer ce crochet auquel attenait encore un bout de grosse corde de fil de fer tordu. « Tiens, tiens, » fit-il, « je ne savais pas qu'on attachait quoi que ce soit à ces traverses. Poursuivons. Nous allons peut-être trouver mieux. » Levant les yeux, il s'aperçut que le crochet fixé dans la traverse du rail se trouvait exactement au-dessous du parapet du pont et qu'une ligne droite tirée de ce parapet jusqu'à la traverse serait à une distance d'un mètre environ en avant de la pile de maçonnerie. Quittant la voie ferrée, Pinson gravit le talus qui la bordait et monta sur le pont, examinant avec soin maintenant le parapet. Il ne put s'empêcher de pousser un cri de triomphe en apercevant un bout de corde de fil de fer tordu, de tout point semblable au fragment de corde du bas, et encore attaché à la rampe de fer du pont. Il n'en restait pourtant que le nœud coulant. Le reste, qui avait dû pendre, avait été brisé. Patiemment, il attendit, penché sur le parapet, le passage du prochain train vers Mainville, et lorsque celui-ci s'engagea sous le pont d'Orfrin, Pinson se félicita de ce qu'il avait découvert. « C'est bien ce que je pensais. Une corde perpendiculairement tendue de la rampe jusqu'à la traverse se trouverait exactement à 25 cm de la paroi extérieure des wagons d'un convoi venant à passer. Le calcul était mathématique. Je savais bien que ce n'était pas un accident. » Pinson s'assit sur une borne et contempla la campagne environnante. Il apercevait quelques maisons peu distantes du pont à 200 mètres à peine. Puis il examina le sol où le froid avait gelé la boue des routes. « Oh, oh !» fit-il. « Voilà qui vient intéressant. » Il avait remarqué la ligne tracée par une bicyclette allant dans la direction du pont et qui s'arrêtait soudain vers le milieu de celui-ci. On en était descendu et l'on avait déposé la machine le long du parapet. Le cycliste, selon les traces laissées dans la boue gelée, n'avait pas poursuivi sa route, mais avait rebroussé chemin, retournant par la même route qu'il avait prise. Les deux lignes se trouvaient distinctement tracées, celle de l'aller et celle du retour. Le cycliste n'avait pas dépassé le milieu du pont d'Orfrin. Un paysan vint à passer. « Bonjour, mon brave, » lui dit Pinson. « Bal bonjour, monsieur, » fit l'autre. « Dites-moi, il est donc bien gelé que les routes sont toutes prises ?»« Ah, bien sûr, c'est venu tout d'un coup. » À 7-8 heures, hier soir, il faisait de la boue sur les routes. Et passé 9 heures, Blalfroic a pris tout d'un coup, quasiment. Et vous aviez vu cette gelée? Oh, ça vous faisait froid partout quand je sommes rentrés chez nous. Et puis qu'on dirait pas que ça va cesser encore. Le brave homme passa son chemin et Pinson demeura un instant à songer. L'express de Paris était à Mainville à 8h30. L'accident a dû se produire à 8h25 environ. Il n'a commencé à geler que vers 9 heures. Par conséquent, c'est bien mon bicycliste qui est venu au pont d'Orfrin sur une route boueuse entre 8 et 9 heures. Cette trace est donc celle que je dois suivre. » Et aussitôt il se mit en route, suivant de l'œil la piste de retour laissée par la machine. Pinson, tout en marchant, parlait tout seul. Faut-il qu'il était bête de pédaler sur une route boueuse et peu fréquentée? Enfin, on ne songe pas à tout. Tout ceci est clair comme le jour. Il n'y a qu'un point obscur. Comment savait-il que sa victime mettrait la tête à la portière, juste au moment voulu, avant d'atteindre le pont d'Orfin? Enfin, suivons toujours cette piste, nous verrons bien. Il n'alla pas bien loin et arrivé aux premières habitations distantes de 200 mètres du pont, comme nous l'avons dit, il aperçut cette piste terminée par une courbe aboutissant au seuil d'une maison isolée. Pinson s'arrêta net, regarda de droite et de gauche, puis comme il cherchait à s'orienter, une femme sortit de cette habitation et l'appela. « C'est ici, monsieur, c'est ici la maison que vous cherchez. » Et sans lui laisser le temps de placer une parole, elle lui conta tout d'un trait. « Ah, il est bien malade, le pauvre jeune homme. Allez, j'ai pensé vous envoyer chercher par mon mari, car je le connais pas, ce pauvre gars. Et si des fois qu'il venait à y passer, il me faut ben un certificat de décès. Il n'a point d'amis. Des lettres, il en reçoit ben et beaucoup. Mais quand j'y ai demandé à qui il fallait écrire, des parents, des amis, pour les prévenir de venir le voir, il n'a rien voulu me dire. Même qu'il n'a pas voulu que je vous envoie y chercher monsieur le docteur. Mais je point voulu attendre, et c'est ben plaisir de vous voir. » Fatigué, probablement, d'avoir tant parlé tout d'un coup, la brave femme s'arrêta et Pinson en profita pour poser une question. « Il loge chez vous ?»« Ah, pas depuis bien longtemps, monsieur le docteur. Il nous paye bien, mais c'est un étranger à nos pays. Je sais point d'où qui vient. Il parle bien le français pourtant, et tout comme moué. » Pinson ne put s'empêcher de sourire, puis dit à la paysanne « Et qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'il a ? Je sais point. Mais ça me semble bien et tout comme la maladie dont est défunte ma petite dernière. Il y aura bientôt 4 ans. La Saint-Michel qui vient. » « Hein, je vois, » interrompit Pinson en apercevant une bicyclette au fond du couloir d'entrée. Il a voulu courir par ces temps froids. « Oh, il y a qu'hier soir, monsieur le docteur, et encore Magloire et moi, on a voulu y en empêcher, mais il n'y a pas eu moyen, il est ostiné, ostiné. » « Mais que vous le croiriez point ?»« Noutan, il ne peut pas faire avec lui. »« Allons, c'est bon, la mère, montrez-moi le chemin, je vais le voir, vous nous laisserez seuls après. » La chambre du malade se trouvait au premier étage, et en montant les marches vermoulues, on entendait une toux continue qui déchirait les oreilles, une quinte incessante. Pinson pénétra dans la pièce, misérablement remplie de meubles de campagne. Sur le lit se trouvait étendu un jeune homme, à peine âgé de la trentaine, et dont la chevelure d'un blond très pâle et des yeux bleus dénotait une origine slave ou allemande. Il s'exprimait avec un accent étranger très prononcé. « Ah, c'est vous, docteur ?» Madame Magloire a insisté pour vous faire venir auprès de moi, mais j'ai bien peur que vous ne puissiez rien pour moi. Je connais mon mal et je sais que mes jours sont comptés. » Pinson referma la porte tout doucement, tourna la clé dans la serrure, mit le verrou, puis revenant au lit du malade. « Je ne suis pas le docteur, » dit-il à voix basse, bien que Madame Magloire m'ait pris pour lui. Soudain le moribond se souleva, et le coude appuyé sur l'oreiller, fronçant les sourcils sur des yeux que rendait plus brillant encore le teint pâle de son visage, « Et qui donc êtes-vous pour venir ici ?»« C'est assez difficile à dire. »« Je suis un policier sans lettres, c'est-à-dire que je ne le suis en ce moment que pour mon propre compte. »« Un policier, ici ? Je ne comprends pas. »« Je veux dire que vous devez avoir ici, à moins que vous ne les ayez jetés sur la route, un vilebrequin qui vous a permis de percer la traverse de bois de la ligne au pont d'Orfrin. Une certaine longueur de corde faite de fils de fer tordus et un ciseau à froid ainsi qu'un marteau ou bien de fortes tenailles, qui vous ont permis de la détacher de la barre d'appui de ce même pont une fois votre coup fait. « Moi ? Qui vous a dit ?»« Qui, mais personne. C'est vous-même qui vous êtes dénoncé bêtement, en laissant la traverse de bois un crochet de fer et un bout de corde de fer tordu, un autre fragment, un nœud coulant à la rampe du pont, et qui avait surtout eu la négligence de pédaler sur une route boueuse sans songer que le vent glacé qui vous cinglait la figure allait faire prendre par la gelée la surface du sol un peu plus tard. » Le malade eut une quinte de toux déchirante, et Pinson lui donna un verre d'eau pour le calmer. Quand il put parler, il s'écria. « Et savez-vous quel homme qu'on a trouvé mort à la station de Mainville, et d'abord est-il mort ?»« Oui, je n'ai pas à vous le tenir caché. Dieu soit loué, » fit-il. « Vous me taxez d'assassinat. » « Non, mille fois non. Ce n'est que justice. Si jamais un homme a mérité ce que le sort lui réservait, c'est bien ce misérable. Avez-vous jamais entendu parler de Dimitri Tcherkov ? Jamais. C'est son nom. C'était l'un des agents secrets de la police russe, les plus cruels, les plus lâches et les plus sanguinaires. Né d'une mère russe, répudié par son mari qui était polonais, il voit une haine implacable à ceux de ma race. Je suis polonais. Il s'est acharné après nous, et plus de 300 victimes polonaises doivent la mort ou l'exil à cet homme. Mon père fut pendu grâce à lui, j'ai deux frères qui meurent à petit feu dans les mines de Sibérie grâce à ses perfides accusations. Je fus moi-même obligé de m'exiler, et comme tout loyal polonais, j'étais affilié aux sociétés secrètes qui ne recherchent que le renversement du gouvernement russe tel qu'il l'est actuellement. Réfugiés en Suisse, nous fûmes obligés d'en partir pour gagner Paris. Mais ici encore nous fûmes traqués, et partout nous reconnaissions la main de Dimitri Tcherkov. Nous savions sa présence dans votre capitale, et nous résolûmes de nous débarrasser de lui. Il fut entendu que l'un d'entre nous jouerait auprès de lui le rôle de traître, et lui dévoilerait nos lieux de réunion, à peu de distance de Paris, dont le séjour n'était plus pour nous. Tcherkov apprit ainsi que nous tenions des conciliabules révolutionnaires dans une maison située à peu de distance de Mainville, et en bordure de la voie ferrée, à une distance de quelques 100 mètres dans l'intérieur des terres. L'un d'entre nous joua le rôle de pseudo-traître et lui dévoila également que, craignant continuellement les espions de la police secrète russe, une projection de couleur verte partait de l'une des fenêtres de la maison pour avertir les amis qu'il n'y avait aucun danger à craindre, tandis qu'une projection rouge les mettait en garde. Ces lueurs étant visibles de la voie du chemin de fer, et les réunions lui ayant été annoncées comme ayant lieu tous les soirs, entre 8 et 9 heures, il prit naturellement l'express de 7 heures de Paris, un jour indiqué, et arriva à Mainville, comme vous savez. « Je m'explique maintenant, » fit Pinson, « pourquoi il sortit autant le corps hors de la portière. Mais naturellement, il lui était impossible d'apercevoir les projections autrement. On l'avait prévenu, vous devinez le reste. Il mit la tête à la portière en engageant la moitié du corps et fut décapité par la corde de fer qui se brisa sous le choc terrible. » Des pas se faisaient entendre dans l'escalier et quelques instants après, Madame Magloire introduisait, par la porte que Pinson avait été ouvrir, le médecin qu'elle avait fait mander. « Je n'y comprenions plus rien, » fit-elle. « Maintenant, voilà deux docteurs, tandis que je n'en avions envoyé guérir qu'un. » Pinson expliqua à voix basse au médecin qu'il était simplement un ami du malade et lui dit qu'il serait heureux d'avoir quelques mots d'entretien avec lui en bas dans la salle commune après sa visite. « Eh bien, qu'en pensez-vous » demanda-t-il au docteur lorsque celui-ci redescendit. « Il peut durer encore 48 heures, 3 jours au plus. » « Vous êtes sûr qu'il ne peut en réchapper ?»« Absolument certain. Vous pouvez faire le nécessaire. »« Merci, monsieur. » Le soir même, Pinson, qui avait été rendre ses devoirs à sa mère à Mainville, consultait au café des voyageurs l'indicateur des trains pour retourner à Paris, quand le chef de gare, le maréchal des logis de gendarmerie et deux amis y entrèrent aussi pour faire une manie. « Tiens, vous voilà, mon vieux Sherlock Holmes. Eh bien, qu'avez-vous trouvé ?»« Rien du tout, hein ?»« Non. » « Alors, il est bien mort par accident ?»« Oui. »« Qu'est-ce que je vous avais dit ? Et toutes les autorités sont du même avis. » Puis, regardant son jeu, le chef de gare, à qui c'était de parler, s'écria « Moi, je demande 45. » Ainsi s'achève « Comment fut assassiné Dimitri Tcherkov ?» Une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.